fortuné qui cherchait dans les poubelles de quoi faire un bon dîner. Aux ordures et aux chandelles sous le pied le mieux chaussé des pieds de la tour Eiffel trouva dans une poubelle une marionnette. Ce monsieur fort distingué à la chemise irréelle pauvreté bien ordonnée change les trous en dentelle, invita la marionnette à partager son dîner. Mademoiselle chiffonnette, goûtez cette arête. Devant tant d'urbanité, la petite marionnette qui s'était mise à pleurer lui dit en baissant la tête, je ne peux rien avaler sans qu'on tire mes ficelles. Regardez ce qu'il me reste de son dans la tête. Le monsieur en gants de nuit lui dit, chiffon, chiffonnette, me voulez-vous pour mari? Je serai un mari honnête. C'est ainsi qu'ayant dit oui, Marion, Marion, marionnette, eut beaucoup de bonheur et de petites marionnettes.